Un kidnapping dans les règles de l'art. On n'est pas là pour les euros ni même les dollars. Toujours la théorie, mais y'a rien de mieux que la pratique. Dans leur programme, la vie en cité, c'est une tactique. Mais qu'est-ce que tu connais de notre quotidien quand le tien, c'est l'Elysée et les beaux sapins. Une fois de plus, on patiente sous plastique. Marre des politicards qui jouent à l'élastique. Sur un plan qui est pas trop évident, on veut kidnapper la femme en disant de sa résidence. On est deux, 13 SS, pédigré voyou, cagoule prolique. Les SS sont la colique. On tamponne le cul du classe E, le chauffeur sort. Je récupère le bordel comme un dalleux. Elle est assise avec son sac à main. Marre des beaux chiens, on est là pour les gros gains. Je dis ma vieille, on va jouer un petit jeu. Faudra bien m'écouter si t'en sortir tu veux. Faudra bien m'écouter. Faudra bien m'écouter si t'en sortir tu veux. Bonjour madame, on va jouer à un jeu. Toute votre vie vous avez vécu dans l'opulence. Maintenant, vous devrez survivre pour vivre. Vous serez replacé dans un contexte complètement différent de votre vie dans le passé. Toutes les informations vous seront transmises sur place. Êtes-vous prête ? Salut madame, t'es dans une banlieue lointaine au milieu de nulle part. On a refait le même décor de la poste au bar. Mais un tas de gens de Tchekar avec leur lot d'histoire. Acteurs blancs, maghrébins, métis ou noirs. Des hommes, des femmes, des imberbes et des bubards. Tous liés à la cause, ici vous n'avez plus aucun pouvoir. Mais à votre disposition, ceux de pièces à votre charge, c'est deux enfants et une bourse de 1000 euros par mois pendant un an. Et comme c'est le travail qui mérite un salaire, madame dorénavant, vous serez caissière. Donc le but, c'est de survivre ici. À la fin de ces 12 mois, on verra où en sont vos fruits. Les enfants devront manger à leur faim, être épanouis, avoir de bons résultats scolaires, ce qui nécessite qu'ils restent en vie. Ici on a réuni toutes les conditions de vie en banlieue. Vous devrez donc aussi les protéger du feu, de la dépendance ou de l'argent facile parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Je vous préviens madame, vous ne serez jamais seul. Et surtout D, cette journée de grève pourrait être reconductible. On est toujours sans nouvelles de la Madame Brahimour France. Ça fait un an jour pour jour que la femme du Big Brother Allemand a disparu. L'enquête suit son cours, mais le mystère reste entier. Les enquêteurs poursuivent un travail particulièrement difficile. Ils ne disposent d'aucun indice sur ce qui pourrait être un enlèvement. Bonjour, et le sport, madame. Un nouveau match couperait pour les Bleus. Vous avez réussi toutes les épreuves. Maintenant, vous comprenez mieux la situation. Souvenez-vous bien de ce que vous venez de vivre et faites-en bon usage. Je serai vigilant. Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce que vous me voulez ? Laissez-moi ! Lâchez-moi ! Non ! On va jouer à un jeu. Non !